un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Anciennement, this is la peste. J'ai souvent la pêche, tout le temps la banane. Un sourire au milieu du faciès. Je viens d'un Tiex, les coups durs, je les encaisse. T'inquiète, je fais ma quête, je ne cesse de relever la tête. Pour ce texte, franchement, je vais pas faire des jolies phrases ni des jolies phrases. Je veux juste que tu saches, c'est que si je suis sage et que mon message, c'est l'appel, l'amour, la foi. De ces trois mots, je suis otage. J'ai le syndrome de Stockholm, je me dois en tant qu'homme de rester fort et dur, même si la vie déconne. J'ai des sous, c'est vrai, mais j'ai aussi des soucis. Écoute mon album du blé, tu verras qui je suis. Ce qui m'inspire, c'est les films et les livres, notamment Gloria, l'alchimiste et l'esquive. J'étais qu'un jeune de banlieue, maintenant je vends des disques et des films. Mais je suis toujours un jeune de banlieue, à leurs yeux, tous ceux qui me parlent avec condescendance, qui croient faire des blagues, toutes pérables, on n'a pas le même sens. Ni de l'humour, ni de l'amour, et pour la France, peu importe ce que je ferai, à jamais dans sa conscience. J'ai qu'un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. J'ai beau me cultiver, mes aptitudes me trahissent. On sait que je viens d'ici, donc on m'écarte la liste. Ils me catégorisent sur mon milieu théoriste. Mais je pars en quête de la terre promise comme Moïse. Au début, j'essayais de camoufler mon accent banlieusard. Mais quand je m'entendais parler, je trouvais ça bizarre. Est-ce que l'Auvergne a honte de son environnement? Alors pourquoi devrais-je avoir honte de mon bâtiment? Pourquoi les artistes de chez nous n'ont pas leur part entière? Est-ce que Jamel aura le même rôle, sa vie entière? J'aime pas me faire du fric sur la misère, mais je te jure que mes galères, j'en suis fort et j'en suis fier. Je suis fier de là où j'ai grandi. Y'a pas que des taudis, y'a quelques bandits. Mais on vit, qu'est-ce que t'en dis? Je suis fier d'être un jeune de banlieue. Ce qu'ils montrent de chez nous est faux. Je suis fier de mon milieu et je suis qu'un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. J'entends souvent perdu d'avance, chez nous les gens sont défaitistes. Car notre histoire a beaucoup de cicatrices. Est-ce parce que je suis artiste que cela me rend triste? Tout le monde devient raciste car les coups durs insistent. Et si j'insiste, c'est simple, c'est que le système, ce qui nous inflige n'est pas juste mes systèmes. C'est que chez toi je peux lire et je peux parler. Je peux écrire et mes enfants je pourrais les regarder. Je suis un jeune de banlieue, je sais que je fascine. Parce que là d'où je viens, réussir n'est pas facile. Je garde les stigmates de ce milieu de ma pommade. J'ai beau m'en débattre, parfois c'est dur, il me faut de la pommade. On est comme des nomades, au-delà de nos cités, beaucoup de gens nous regardent. Comme si on allait partir, mais on n'est pas des nomades. On vit ici, avec vous, on n'est pas des nomades. Et c'est toujours la même image, le king, nous le rage. La banlieue ne fait que rire ou que peur et c'est dommage. Y'a plein d'autres choses, pour l'amour on a nos codes. On sait aussi le célébrer, sans drogue et sans alcool. J'ai des intenses instantanées de bonheur pendant tant d'années. De rire, de solidarité pendant que vous nous condamnez. Banlieusard, tu n'es pas là pour rien. Et sans faire, c'était un jeune de banlieue. Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Je suis un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue. Un jeune de banlieue, un jeune de banlieue, un jeune de banlieue.